Regarde, c'est des trucs en... Combien de mesures là? 16 mesures en fait. 116. Ouais. Into the day of my life, barely on the zip of my. depuis 3-4 mois. Une sale histoire, je crois. Elle aurait bien craqué pour moi. Bien craqué pour une histoire d'amour, d'échange, de mille retours. Et jouer au poker avec les trois dockers dans un café du Bel Air. Elle cherchait du regard comme s'il était trop tard, comme si personne voulait rien voir. À la basse, Mr. Mike. Rémi, à la guitare solo. Et Benji, en version rythmique. Elle a des vagues de tendresse. Entre mes doigts, elle me berce, elle me chavire, elle m'emporte comme un abîme. Elle me pousse à prendre le vent vers le large, les océans. n'est plus vaste que mon rêve. Son horizon et ses frontières font déjà le tour de la terre. Elle est profonde et transparente, aussi pure, aussi apaisante que ton regard à mon cœur lourd. La mer ressemble à ton amour. Yeah. et après on arrête. Changer un peu. Ah, bienvenue alors. Club des balades. Cherche une autre batterie. Je sais pas quoi mettre moi. Vous voulez quoi comme rythme? La balade là. Train beat. Thank you. La guitare, accordez la guitare. C'est quoi son oui, ah, petit problème avec guitare. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Problème avec la guitare. J'ai un son de merde. Bon, faut que je revienne. Ça c'est bon. Et où mon petit guitare? Pourquoi j'ai ce son pourri là? D'accord, d'accord.